ga ima mi ga la ye we ga le e we ga le no pe wo lo o ki na ba na ga le ba we ga le o ku le bu na ima mi ga la ye we ga le e we ga le no pe wo lo Yeah, go out. Écoutez-le, il fait voir l'homme, il y a un salibonado.